Chapitre 6e, la bonne sacoche. Paulin Broquet semblait avoir prophétisé quand il dit à ses lieutenants que Zigomar, aux abois, sans argent, ne pouvait rester longtemps pour refaire sa caisse et relever son prestige sans tenter un nouveau coup. Quelques jours plus tard, la rue du 4 septembre était mise en émoi vers 3 heures de l'après-midi. C'était le jour d'une des plus fortes échéances de l'année. Un garçon de recette du Crédit Marseillais fut dépouillé dans cette rue du 4 septembre, en plein jour, devant quelques centaines de personnes, sans qu'on ait pu non seulement voir le voleur, mais même soupçonner le vol. Quelque temps auparavant, plusieurs tentatives de vol et d'assassinat avaient été commises contre des garçons de recette. Le public s'indignait, demandait des mesures. Les maisons de banque, ne pouvant ni ne pas faire encaisser, ni cependant exposer leurs encaisseurs, cherchèrent plusieurs combinaisons pour sauvegarder leurs intérêts et la vie de leurs employés. Le Crédit Marseillais, pour cette échéance, doubla ses encaisseurs, c'est-à-dire que chacun d'eux était accompagné d'un homme de confiance ou d'un collègue, d'un auxiliaire. L'encaisseur Pascal, un des plus anciens de la maison, était chargé du carré de la Bourse, du Sentier et de Bonne Nouvelle, un des carrés les plus importants. Pascal emportait au moins 100 000 francs d'effets à encaisser. Dans ce quartier commercial, à échéance forte, on payait surtout en billets de banque. Pascal ne recevait généralement en monnaie que l'appoint. Il revenait de ses tournées avec de fortes sommes en papier dans la sacoche et très peu de numéraires relativement. Cet argent, écu et monnaie, il le confiait donc à son collègue, Louis, qui l'accompagnait. Entre autres encaissements, il se présenta en dernier chez un représentant en étoffe anglaise, un certain M. Smithson, qui occupait depuis un an environ un local transformé en bureau rue Notre-Dame-des-Victoires. Pascal commençait logiquement sa tournée par les clients les plus éloignés, afin de ne se charger qu'en approchant de la banque. M. Smithson était un des derniers qu'il devait visiter. Plusieurs fois, Pascal était venu chez lui et avait toujours trouvé chez ce commerçant anglais un bon accueil. Il pouvait donc encore s'y aventurer en toute confiance. Quand il lui présenta les faits, M. Smithson ouvrit son tiroir et compta quelques billets de 100 francs qu'il donnait en échange. Pendant qu'à son tour Pascal les comptait, M. Smithson dit quelques paroles autant en anglais qu'en français à Louis, qui attendait à côté de son collègue. « Chaude journée, hein? Il vous tarde d'avoir fini? » « Nous sommes éreintés, » répondit Louis. « Gros encaissement? Oui, ça va aux 10 paquets. 100 000? On dit que les affaires ne vont pas. » Les deux garçons de recette se retirèrent. Quand ils furent sortis, M. Smithson se mit à la fenêtre donnant sur la rue et regarda. Il vit les deux encaisseurs s'engager vers la bourse. Alors il appela. Un jeune garçon de 15 à 18 ans, vêtu en groom, apparut. C'était un jeune anglais à l'air hardi. « Hop !» fit M. Smithson. « Suis-les !» Et quand ils traverseront la chaussée devant la palissade, bouscule Pascal. Je te ferai signe quand il faudra. Lui-même, il quitta le bureau et s'engagea dans la direction qu'avaient prise les deux garçons de recette. Le groom, un peu plus loin, roulait à bicyclette, ne perdant pas des yeux ni son maître ni les encaisseurs. La rue du 4 septembre jouit du privilège, maintenant réservé à toutes les grandes rues de Paris, étant voisine des plus belles artères de la capitale, d'être comme elle, constamment défoncée et ornée de palissades, de montagnes de gravats, de pavés enlevés ou de gouffres municipaux. Près d'une de ces palissades, une auto venait de s'arrêter. Un homme, très élégamment vêtu, en descendit pour entrer dans un magasin où il fit quelques emplettes. Le gentleman sortit peu après du magasin et se mit à regarder la devanture d'un autre établissement. Puis il revint, sauta dans son auto et l'auto démarra. À ce moment, sous le trottoir d'en face, passait M. Smithson, et sur la chaussée, se jouant des crevasses, des fondrières, roulait sur sa bécane le groom anglais. Ayant présenté leur dernier billet, Pascal et Louis se hâtaient de regagner le Crédit Marseillais, tout en serrant l'un la sacoche bondée de billets de banque, l'autre la sacoche dans laquelle tintinabulaient les échos et la monnaie blanche. Pascal et Louis allaient d'un bon pas d'anciens militaires et marchaient vite pour se trouver à leur guichet quand les signataires de billets non payés le matin se présenteraient à la banque. Comme ils traversaient la chaussée, tout à coup, le groom anglais arriva à fond de train. « Et là ! Et là ! » cria-t-il. « Gare, gare !» En même temps, il fonçait, comme si près de la palissade, il venait de glisser, en plein dans Pascal. Pascal, surpris, bousculé, affolé par cette attaque soudaine, voulut se garer. Il fit un écart et vint se jeter contre la voiture automobile qui, précisément, se remettait en marche. Pris ainsi entre le cycliste anglais, l'automobile, la palissade de la ville de Paris, et quelques passants comme lui, pressés, bousculés. Pascal se trouva séparé de son compagnon Louis. Il roula à terre, tandis que la foule épouvantée reculait, poussait des cris d'horreur. Dans ce brouhaha, le cycliste anglais était aussi tombé de machine, et empêchait de la sorte les gens de venir au secours du garçon de recette, mettait comme une barrière entre Louis et Pascal à terre. Fort heureusement, le chauffeur de l'auto, dont d'ailleurs tout le monde admira l'adresse et le sang-froid, arrêta net sa voiture. Pascal fut seulement roulé, traîné un peu par une aile du garde-boue, mais il ne passa pas sous les roues et ne fut pas écrasé. Quant au gentleman qui occupait la voiture, il ouvrit la portière, sauta à terre, et avec deux ou trois passants dévoués, il releva Pascal, qui, quelque peu contusionné, ne pouvait seul se remettre sur pied. Cependant, dans cette bagarre, l'instinct du devoir n'abandonna pas une seconde le brave Pascal, qui, projeté à terre et roulant sous l'automobile, serra fortement contre sa poitrine la précieuse sacoche. Quand on le releva, il avait perdu son bicorne, son uniforme était endommagé, au front, aux mains, il portait des ecchymoses, mais il n'avait pas lâché le trésor confié à sa loyauté. Maintenant, c'était une ruée, une bousculade. On entourait Pascal, que son camarade Louis avait pu enfin rejoindre. On le croyait sérieusement blessé. On voulait le conduire chez un pharmacien. Le gentleman obligeant offrit sa voiture. Mais on était tout près du Crédit Marseillais, et Pascal, se remettant courageusement, déclara qu'il n'avait besoin de rien, qu'il préférait rentrer à sa banque tout de suite. Et voilà qu'un agent majestueusement arrivé, ayant aperçu le rassemblement, cria « Circulez !» On lui dit que c'était un accident d'auto. L'agent tira alors un carnet fort culotté de son uniforme et un crayon, qu'il commença par mouiller énormément pour mieux transcrire les noms, prénoms, qualités, adresses du gentleman, du chauffeur et le numéro de l'auto. Quant au cycliste qu'on avait relevé, il causa l'hilarité de la foule. Il ne savait pas un mot de français, et le brave agent, ne comprenant pas l'anglais, n'arrivait pas à transcrire ce que le groom lui disait. Dans la foule, de ces badauds obligeants qui savent tout, essayait d'expliquer à l'agent ce que le jeune anglais lui disait. Chacun le faisait à sa façon, l'agent perdait la tête. Ce fut Pascal qui, reconnaissant le groom, dit à l'agent qu'il appartenait à la maison Smithson. Le gentleman, de son côté, donna avec complaisance son nom et se déclara prêt à répondre à l'appel qui lui serait lancé, se portant garant pour le chauffeur. Et comme il était désolé de cet événement, il offrait à Pascal tous les dédommagements qu'il désirerait. La foule eut applaudi, acclamé cet automobiliste charmant, si différent de bien d'autres écraseurs. En somme, il y avait plus de bruit, de brouhaha, d'émotion que de mal. Pascal serra la main que le gentleman lui tendait, accepta ses vœux de bon rétablissement, et toujours en serrant sa sacoche sous son bras, il se hâta de gagner la banque avec son compagnon Louis. L'agent fit quelques réprimandes au groom anglais qui ne les comprit pas, mais répondait toujours « Yes, yes ». Le groom remonta sur sa bécane et fila. Le gentleman, salué par l'agent et par la foule, répondant à tous ses saluts, s'éloigna au sonore coin-coin de la trompe que son habile chauffeur pressait nerveusement. Et la circulation reprit dans ce coin de Paris ornementé d'une palissade. Rentré au Crédit Marseillais, Pascal se hâta de s'enfermer dans son box, devant lequel de nombreux débiteurs, leurs fiches de couleur en main, l'attendaient. Il ne répondit pas aux questions des clients, des confrères, des chefs, ému de le voir couvert de boue, déchiré, ayant du sang à la figure, aux mains. « Tout à l'heure, je vous raconterai ça. Finissons d'abord l'encaissement, » dit-il. Secondé par Louis, il voulut continuer son service. Louis avait déjà enlevé sa sacoche chargée de monnaie, d'écus. Pascal, qui n'avait pas un instant cessé de tenir la sienne bien serrée sous son bras, défit la chaîne de cuivre par laquelle elle était attachée sous son uniforme. Il posa la sacoche bien gonflée sur son bureau pour en tirer les billets de banque et les effets qu'on venait réclamer. Aussitôt, il poussa un cri terrible. « Ce n'est pas ma sacoche !» Ce n'était pas, en effet, la sacoche de Pascal, mais une sacoche absolument semblable, une sacoche du Crédit Marseillais, comme celle que si précieusement le brave garçon de recette serrait sous son bras, celle qui ne l'avait pas quittée une seconde, dont il ne s'était pas séparé, celle qui était attachée à lui par la chaînette. Et cette autre sacoche, ayant non seulement le même aspect, mais le même poids, le même volume, était pleine de vieux journaux.